My name is Edward, c'est là tout mon anglais. My name is Edward, de moi c'est tout ce qu'elle sait. À Liverpool, j'ai connu une fille. On n'a pas pu se parler, mais on s'est compris. Il faisait froid, elle était très gentille. Et quand je l'ai suivie, elle ne m'a rien dit. My name is Edward, c'est là tout mon anglais. My name is Edward, de moi c'est tout ce qu'elle sait. Chez elle, il n'y avait pas de chaise. Alors que faire? On s'est étendu. Je l'aimais bien, mais elle était anglaise. Je ne pouvais rien dire, elle n'a rien su. My name is Edward, c'est là tout mon anglais. My name is Edward, de moi c'est tout ce qu'elle sait. Le lendemain, je suis parti très vite. J'avais peut-être trop envie de rester. Il suffit parfois qu'une fille t'invite pour te faire oublier ta liberté. My name is Edward, c'est là tout mon anglais. My name is